بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندخل في سورة مريم. سورة مريم في المسألة 9 بعد 100، صنفية مسألة، في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. Dans le sens où Allah il dit qu'il n'y a que tous vous passerez dessus, c'est-à-dire par rapport à la Jahannam, au feu de l'enfer. Verset 71. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لابد له من ورود النار وأكد ذلك بقوله كان على ربك حتما مقديا. Donc il dit ce noble verset nous démontre que toute personne, qu'il est obligatoire pour toute personne de passer par le feu. Et en plus, cela est affirmé par la parole d'Allah dans le sens où il dit, et que cela est une sentence irrévocable sur ton Seigneur. Verset 71 également. Du fait que nous traversons le feu. قال وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعدون عنها لا يسمعون لا حسة ويقوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. Et d'autres versets démontrent que certaines personnes seront éloignées du feu et qui n'entendront pas son sifflement. Comme dans le verset, dans le sens où Allah dit, et ceux-là en seront éloignés et ils n'entendront pas son sifflement, c'est-à-dire celui de l'enfer. Dans le surat al-Anbiya, verset 101 et verset 102. Verset 101 et verset 102. Donc là, on a comme une forme de contradiction. قال والجواب la réponse. هو ما ذكره الألوسي وغيره من أن معنى قوله تعالى مبعدون أي عن عذاب النار وألمها. Que certains ulama comme الألوسي ils ont dit dans son tafsir que le sens de ils en seront éloignés, c'est-à-dire du feu, c'est-à-dire ils seront éloignés de son châtiment et de la douleur que cela causera. Ils seront éloignés du châtiment du feu et de la douleur subite dans ce châtiment. وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. Et d'autres, ils ont dit que le sens voulu, c'est le fait qu'ils en seront éloignés après qu'ils en ont été rapprochés. ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم والترمذي وابن منذر والحاكم وصححه جماعة عن أبي سمية قال اختلفنا ها هنا في الورود فقال بعضهم لا يدخلها مؤمن وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال وأوها بإصبعه وأوها بإصبعه إلى أذنيه ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجا من بردها ثم ينجيها الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. Donc après citer un hadith qui confirme la réponse donnée par Al-Alusi. Et ce hadith a été rendu da'if à l'imam Al-Bani, dans lequel il dit, c'est Abu Sumayya, qu'il dit que nous avons divergé par rapport justement au Wurud, c'est-à-dire le passage dans le feu. Certains d'entre nous ont dit que le croyant n'entrera pas au feu, ne passera pas par le feu. Et d'autres dirent, tous y passeront, cependant Allah secourra ceux qui ont craint, c'est-à-dire les croyants. Donc après, il dit, toujours Abu Sumayya, que j'ai rencontré Jabir ibn Abdillah. Et je lui ai cité cela, je l'ai interrogé. Et il dit que j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-Wurud, le passage, c'est l'entrée. Qu'il ne restera ni pieux, ni pervers, sans qu'il ne rentre au feu. Cependant, elle sera pour le croyant une fraîcheur. Et une paisibilité, comme ce fut le cas pour Ibrahim alayhi salam. Il dit même que le feu, quand même, à un vacarme qui est causé par son froid. Le feu a un bruit causé à cause du froid. D'ailleurs, dans d'autres hadiths, c'est venu que, comme cela a été apporté, que le feu s'est plaint auprès d'Allah Azzawajal, que ses entrailles, ses parties se mangent les unes les autres. Et que Allah Azzawajal, pour minimiser de cela, a donné une partie de l'hiver, le froid de l'hiver, c'est justement une partie du feu de l'enfer, et que la chaleur de l'été, intense, c'est une partie du feu de l'enfer. Ce qui montre qu'il y a aussi également une fraîcheur qui est elle-même un châtiment. Al-Muhim, pour revenir au hadith, il dit, Jabir, que Allah va secourir ceux qui ont craint, et qu'il laissera ceux qui ont été injustes, c'est-à-dire les koufars, ou alors ceux qui méritaient le châtiment. Mais le hadith, lui, a été rendu faible par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. وروى جماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ورود النار هو المرور عليها. Et certains parmi les ulama ont cité de Mas'ud qui aurait dit que al-wurud, en fait, c'est un sens de passage et non pas d'entrée, de passage. لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. Car le fait, en fait, les gens passent sur le fameux pont qui est au-dessus de l'enfer. D'accord ? Ce fameux pont. Donc, qu'est-ce qu'il y aura par là ? Il y aura un passage qui va se faire. « Wa kharaja Abdu ibn Humayd wa ibn al-Anbari wa al-Bayhaqi an al-Hassan qal al-wurud al-murur alayha min ghayri dukhul wa ruwiya dhalika aydan an Qatada wa qalahu al-Alusi » Et d'autres Muhaddithoun rapporte justement de El Hassan, qu'il est justement que le wurud, c'est le fait de passer au-dessus du feu sans y rentrer. Et ce fut également le col de Qatada et le col de Al-Alusi. واستدل قائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى فأوردهم النار. Sourate Hud, verset 98. Du fait que Allah dira qu'ils rentreront au feu. Il a employé quel terme ? Awradahum, qui les fera rentrer au feu. Wa qawlihi ta'ala, law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha. Que Allah, dans le sens, il dit que si jamais cela avait été des divinités, des réelles divinités dignes d'être adorées, ils ne seraient pas rentrés au feu. Surat al-Anbiya, verset 99. Et là, il a dit bien ma waraduha, dans le sens de rentrer. وفي قوله تعالى حسب جهنم انتم لها واردون. C'est-à-dire que vous serez un combustible du feu et que vous allez y rentrer. Il a dit quoi? Waridun, qui est l'isme fa'il de warada yaridu, qui veut dire y rentrer. Al-Anbiya, verset 98. فالورود في كل ذلك بمعنى الدخول. Que là, al-wurud, qui est le mot clé de cette mas'ala, veut dire rentrer. قال واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى ولما ورد ماء مديان. Et d'autres ulama ont pris justement eux comme preuve que le wurud, c'est le sens de proximité et non pas d'entrée, la part dans le sens où il dit à propos de Moussa alayhi salam que lorsqu'il s'est approché des eaux de Médian, il a dit quoi? Warada ma'a Médian. Pour dire qu'il s'en est approché et qu'il n'est pas entré dans ces eaux-là. Surat al-Qisas, c'est compte, verset 23. Donc là, le sens, en disant qu'on y rentrerait dans le feu, que ce feu sera rendu fraîcheur et paisibilité. Et le sens qui apparaît le plus proche, c'est celui cité par ceux qui disent qu'en fait, on va traverser le feu, c'est-à-dire par le pont 2 qui est cité au-dessus de Jahannam. Tous passons ce pont. Et certains, en fonction de leurs œuvres, le passeront comme un clin d'œil. D'autres comme la foudre. D'autres comme un oiseau. D'autres comme une monture très rapide, ainsi de suite. Chacun en fonction de sa piété. Et d'autres le passeront et ils tomberont. Ils seront attrapés par les pinces. Et tomberont dans le feu de l'enfer. Hadha wal jawab. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.